et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail et nous sommes dans une grande angoisse. Amen. Nous allons partager trois grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Dieu nous livre des royaumes et il nous multiplie comme des étoiles. Nous voyons ici, lorsque Néhémie est en train de faire cette prière de confession, il est en train de nous faire découvrir la vérité sur ce que Dieu fait, mais aussi notre part. Il dit « Dieu livre des royaumes ». C'est ce Dieu-là qui a combattu en faveur d'Israël. Il les a livrés des royaumes et les a multipliés. Vous voyez, il est dit ici, au verset 22, « Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partages entre eux les contrées et ils possédèrent les pays de Sion, roi d'Hesbon, et les pays d'Og, roi de Bazan. » Et il dit au verset 23, « Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux. » Je vais parler à quelqu'un. Tu es combattu par les puissants des ténèbres. Il faut que tu pries le Seigneur pour dire, « Seigneur, livre-moi ce royaume. Livre-moi toutes ces puissances qui s'opposent à mon épanouissement. » Oui, vous voyez, ici quand on parle de Sion, roi d'Hesbon, Og, roi de Bazan, il représente des rois spirituels, des puissances sataniques, des puissances démoniaques, parfois qui occupent nos territoires. Dieu nous livre ce royaume-là et il nous multiplie comme il a multiplié les enfants d'Israël pour entrer en Canaan. Deuxième vérité, notre responsabilité. Nous devons nous-mêmes aussi posséder ces royaumes. C'est-à-dire, il ne faut pas être passif. Il ne faut pas dire, moi je laisse ces magues, Dieu n'a qu'à agir. Les enfants d'Israël, Dieu leur a promis d'entrer dans Canaan. Mais eux-mêmes là, ils ont pris possession. Quand on parle de prendre possession, ceci suppose que tu t'élèves. Et tu comprends ma soeur, tu dois t'élever, tu ne fais que pleurer. Mon mari sort, il va à la maison, il ne rentre pas à la maison. Mon mari sort, je ne l'ai pas vu, ça fait un mois. Est-ce que tu sais que parfois c'est un combat spirituel? Parce qu'il y a des gens qui font ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire le médicament pour séduire les maris d'autrui. C'est une interpellation pour toi, pour que tu apprennes à se mettre à genoux. Tu dois être une femme de prière pour prier pour ton mari, pour briser les chaînes qui le font fuir la maison. Est-ce que tu comprends? Il faut apprendre à posséder tes bénédictions, entrer en possession. Il fallait conquérir des pays, des villes comme Jéricho. C'était fermé et barricadé. Il fallait que les enfants d'Israël se lèvent pour faire des tours, pour que la muraille de Jéricho s'écroule. Vous voyez, il est dit ici, au verset 24, « Et leurs fils entrèrent et prirent possession du pays. » Tu dois prendre possession de ton mariage qui est barricadé. Tu dois prendre possession de ton poste qui est bloqué. Apprends à prendre possession. Comment on prend possession? C'est d'abord sur le plan spirituel. Vous voyez? Parce qu'il y a une relation entre le spirituel et le physique. C'est quand tu es victorieux sur le plan spirituel que ça va se matérialiser sur le plan aussi physique. Est-ce que tu comprends? Il dit, tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre leurs mains avec les rois, les peuples du pays pour qu'ils les traitassent à leur gré. Verset 25, on dit, ils devinrent maîtres des villes fortifiées et des terres fertiles. Ils possédèrent des maisons. Mon frère, il y a des choses que tu dois apprendre à posséder. Il y a des terrains. Vous savez que sur le plan spirituel, il y a des quartiers, il y a des terrains. Oh, toi qui veux construire une maison, ça fait longtemps que tu cherches terrain. Ou bien tu as acheté terrain, mais il y a résistance toujours au niveau du papier. Parfois, c'est un problème spirituel. Tu dois apprendre à te lever pour combattre spirituellement, pour lier cette puissance-là, qui ne veut pas que le problème de ton terrain soit arrangé, qui ne veut pas que tu construis une maison. Il faut apprendre à posséder des maisons. On dit, ils possédèrent des maisons. Non seulement des maisons, on dit, ils furent remplis de toutes sortes de biens, des citernes creusées de vignes, des oliviers, des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Nous voyons donc le plan de Dieu, c'est que le peuple de Dieu soit béni, soit dans l'abondance. Il y a certaines pauvretés qui nous sont imposées par Satan. Et quand tu ne comprends pas cela, tu ne vas pas te lever pour bouter, pour débouter les puissances sataniques qui font que tu sois dans la misère, pour entrer en possession de tes bénédictions, pour entrer en possession de ta nomination, pour entrer en possession de ta fécondité, pour entrer en possession du financement que tu recherches depuis longtemps, mais qui est bloqué dans le monde spirituel. Troisième vérité, lorsque nous désobéissons à Dieu, il nous abandonne entre les mains de nos ennemis. Oui, ça peut arriver. Et c'est ce qui s'est passé avec Israël. Ils ont désobéi. Lorsqu'ils ont désobéi, Dieu les a livrés aux Chaldéens. Le roi Nebuchadnezzar est entré. Il a détruit même la maison de Dieu. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 26, « Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes qu'ils conjuraient de revenir à toi. Ils se livrèrent envers toi des grands outrages. » Verset 27, « Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent. » Tu vois, toi qui vis le moment d'oppression, tu n'arrives pas à dormir la nuit. Tu dois te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour que l'ennemi t'opprime? Souvent, c'est lorsque nous-mêmes, nous ouvrons les portes à l'ennemi. Regarde la porte que tu as ouverte à l'ennemi qui a fait que l'ennemi domine sur toi. Tu es maintenant opprimé, tu es opprimé par les puissances sataniques, par les démons qui dominent sur ta vie. Repends-toi, vous voyez, c'est la repentance. Si tu veux que l'oppression cesse, il faut demander pardon. Et lorsque les enfants d'Israël demandèrent pardon à Dieu, Dieu les délivrait, il suscitait des libérateurs. Il est dit au verset 27 vers la fin, « Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi, et toi tu les as entendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. » Le péché nous rend esclaves. Le verset 36 dit, « Et aujourd'hui, nous voici esclaves. Nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. » Ce n'est pas normal, mon frère. Là où tu devrais jouir même des biens, des richesses que ton père a laissées, que la vieille a laissées, tu es comme un esclave. Tu vois, ce n'est pas normal. Les enfants disaient, nous voici, nous sommes esclaves dans notre propre terre, notre propre nation. C'est la conséquence du péché. Le péché fait que les démons peuvent dominer sur toi. La sirène des eaux peut dominer sur ta vie. Les esprits des morts peuvent dominer sur ta vie. Les masques peuvent dominer sur ta vie. Mais lorsque tu te repens, le Dieu de compassion, il est capable non seulement de te pardonner, mais il est capable de te délivrer. Car la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Oui, Jésus est capable de te libérer, quel que soit l'esclavage, quel que soit là où on t'a plongé dans les canaries. On a bloqué ton mariage, on a bloqué ta fécondité dans un canari. La puissance de Jésus est capable de briser ces canaries. Mais repens-toi, reconnais tes péchés et Dieu va te délivrer. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. À la croix, Jésus a tout payer. Au travers, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen, amen. Jésus, oh, tu es mon papa. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Nous glorifions ton nom éternel, notre Dieu, toi qui nous fais entrer en possession de notre territoire. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui combat pour nous. Tu es celui qui combat nos ennemis et qui les humilie. Oh, nous te glorifions, nous t'élèvons, nous te magnifions pour cela. Nous bénissons ton nom, ô notre Dieu, toi qui nous multiplies tes faveurs. Sois magnifié, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Dieu qui nous pardonne même quand nous péchons. Tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, merci de nous pardonner encore en ce moment. Pardonne nos péchés et montre-nous les chemins à suivre. Conduis-nous, ô Père, par le Saint-Esprit de vie. À cause de ton nom, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Le passage du jour, c'est Néhémie chapitre 9, 22 à 37. Je rappelle que nous avons maintenant une application Fréquence Vie téléchargeable sur les Android, sur les téléphones portables. Vous allez à Google Play Store, vous pouvez télécharger l'application et vous pouvez commencer à écouter facilement OSB et toutes les émissions de Fréquence Vie. Nous venons de voir que notre Dieu nous livre des royaumes. Il nous multiplie comme des étoiles. Oh, tu vas prier. il y a une puissance peut-être des ténèbres qui s'oppose à ton épanouissement. Tu vas dire, Seigneur, livre-moi ces puissances. Comme tu as livré les ennemis des enfants d'Israël, tu as livré Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Très excellent Père, c'est un privilège, une joie pour nous d'invoquer ton nom ce matin, comme nous le faisons chaque jour. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis et nous nous sommes réveillés. Ceci, ce n'est pas à cause de nos moyens, ce n'est pas à cause de nos relations, mais c'est par ta grâce, c'est par ton amour. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais d'exprimer notre reconnaissance. Nous exprimons notre reconnaissance parce que tu es notre Dieu et que tu nous aimes. Quel que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, tu es notre Dieu et ton amour ne change jamais. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Ce matin, ô Père éternel, nous prions et nous nous élevons contre nos ennemis, contre les puissances des ténèbres qui nous bloquent, qui s'opposent à notre épanouissement. Nous demandons, ô Père éternel, que tu nous livres ces puissances des ténèbres, comme tu l'as fait avec Sion, comme tu l'as fait avec Og. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ et nous prenons autorité sur les puissances des ténèbres. Nous déclarons que les puissances rétrogrades qui s'opposent à notre épanouissement sont assujetties dans le nom puissant de Jésus. Toute forme de blocage, toute forme d'opposition à notre épanouissement est arrêtée au nom de Jésus. Les forces des ténèbres qui s'opposent à notre mariage, qui s'opposent à notre enfantement, qui s'opposent à notre travail, qui s'opposent à notre épanouissement en général, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus et nous les déclarons assujettis. Merci Père, parce que par ton amour, nous sommes équipés pour cela. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir aussi que nous-mêmes, nous devons nous lever pour entrer en possession de notre héritage. Peut-être depuis longtemps, tu vas te lever pour dire, j'entre en possession de ma réussite, de mon succès, de mon mariage, de ma fécondité, de ma nomination, de mon visa. Tu vas prier et tu vas chasser les puissances ténébreuses qui s'opposent à ton épanouissement au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Sois béni ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, qui n'a ni commencement ni fin. Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient, Dieu immuable, alléluia. Dieu transcendant, immanent, Dieu qui dit et la chose arrive, qui ordonne et les choses viennent à l'existence. Nous croyons en toi, nous croyons en ta parole, que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi il nous dit, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tous ces esprits méchants, tous les suppôts du diable qui s'opposent à notre élévation, à notre mariage, qui s'opposent à notre promotion, nous voulons nous lever ce matin. Nous voulons nous lever ce matin au demander à notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, que la main droite de Dieu soit levée maintenant. Que la main droite de Dieu soit levée maintenant et que sa main s'ouvre au nom de Jésus-Christ pour mettre la confusion, la défaite, la craie des champs, la poussière, le feu s'allume maintenant. Le feu s'allume maintenant. Oh, que les enfants soient libérés. Soient libérés, les foyers soient libérés, alléluia. Le travail soit libéré, alléluia. La promotion soit libérée, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, reçois ton élévation ce matin, sois béni, sois magnifié notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, amen. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui sont sous esclavage à cause du péché. Demandons pardon, Seigneur. Demandons que Dieu nous aide à nous repentir. Oui, pour que le Seigneur puisse nous délivrer. Pour qu'il puisse briser les chaînes, les jougs de l'esclavage au nom de Jésus. Parce que si Jésus nous a franchis, nous serons réellement libres. Prions le Seigneur. Nous te bénissons ce matin et nous t'honorons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, tu ne nous as point appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ce matin encore, certains esprits maléfiques tourmentent nos pensées. Certaines, oui, idées qui viennent du diable nous tourmentent et nous pensons que, après avoir confessé nos péchés, après avoir été lavé dans le sang de Jésus-Christ, après avoir reçu l'Esprit encore, que nous sommes sous une condamnation. Je voudrais en ton nom m'élever contre tout esprit qui perturbe nos pensées, qui perturbe la pensée de quelqu'un ce matin, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit que l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Père, merci, parce que tes enfants ont résolu de marcher dans l'intégrité. Et je prie maintenant qu'ils soient affranchis, qu'ils soient libres par ta parole, que tes enfants progressent dans leurs activités, que tes enfants évoluent dans leur ministère, que tes enfants voient la gloire de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Père, je prie que ce matin, quelqu'un hérite de la guérison miraculeuse. Qu'une femme reçoive l'esprit de fécondité. Père, manifeste ta puissance. Libère, baptise quelqu'un de feu, de feu, de feu, de feu. Merci Seigneur, parce qu'avec toi nous ferons des exploits au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler que dimanche prochain, nous aurons notre rencontre bonheur conjugal pour le couple marié. Thème, la puissance du pardon dans un couple. Mais nous rappelons que le même dimanche, nous allons démarrer notre jeûne dans le cadre du programme spécial OSP Jéricho. Les livrets de jeûne sont déjà disponibles. Vous pouvez passer au kiosque de la radio Fréquence Vie, l'acheter à 500 francs. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain.